Cheb Ryan, جلالي ومرادة The Magix. هذه هي الغربة. خويت بلادي يا وانا يا صغير في بلاد الغربة كي غادي ندير. خليت لأمي ما وخوتي وناس الخيرة جيت الحضرة ولا الناس في بلاد الغير. فرير أقولوا لي ما فيك أنتري فات Marre de ce pays, faut que je m'évade. Le soleil brûle ma peau et la misère me drague. J'ai pris mon courage à deux mains, je vais affronter les vagues. J'ai grandi plein de rêves, je voulais une vie fantastique. Mais maman est morte, moi je vends des sacs en plastique. La nuit je dors dehors, je vole, je m'en dis, je dois y aller. Et nos frères se noient loin des croisières. Abattus de sang-froid par la marine espagnole. Ici on glande, donc tu nos chances, frère, dis-moi en espagnol. En Europe, y'a des chances, la réussite leur est demain. Et plus rien ne me retient, Inch'Allah, j'irai demain. Chez mes proches endettés, pour partir, je suis entêté. Et comme les autres, je reviendrai pour frimer en été. Voleur, maintenant je me calme. Ici je fais plus focal. Ça y est, je tente ma chance, je vais arrêter le calme. Oui, tu m'y es bien. Ça fait toujours que je suis là. J'ai soif, j'ai faim, j'ai froid. J'ai pas le choix, alors je vole et j'offre les lois. Je te rends toutes les poches, je squatte par des ruelles. Toi de ma musique, j'ai appelé si c'est Patrick Bruel. Et quand je pense d'y retourner, j'ai mal à la tête. J'ai pour débarquer en Europe, je me suis rempli de dettes. Alors quand je m'en dis, on me traite de sac lando. J'ai l'air d'un fou dans le métro avec mon sac sur le dos. Et pourtant, c'est pas ça qu'on m'a raconté. L'été, je les voyais débarquer en cabriolet. La vérité, tout ça, c'est que des méprises. Mettre ses doigts dans la prise. Alors je me casse d'ici, je retourne à Tanger. J'adore mon pays et Inch'Allah ça va oui, changer. Le bled et ses problèmes pour se trouver ici dans la même galère.